Siffrin passa devant les assises. « Je vois encore assez de frères à s'accusant. Attesta le Christ. Grand-père, dis la vérité. Pourquoi veux-tu envoyer ton aîné finir aux galères ?» Et grand-père, avec un redoublement de serments, répondait « Pourquoi tu voulus me tuer, Siffrin ?» Siffrin fut condamné. Il fut acquitté. Malgré sa prudence, une fois par hasard, grand-père avait eu la langue trop longue. Des témoins, qui d'abord s'étaient tus par crainte, déposèrent à la dernière heure l'avoir entendu dire un jour « Je ne serai content que si je fais couper le cou à mon frère. On verra, j'en ai le moyen. » Une fois sur cette piste, il ne fut pas difficile d'établir comme quoi, après une fausse réconciliation, grand-père avait pu s'emparer du pistolet de Siffrin, du papier à bourre, de la balle, combinant tout avec une infernale adresse pour rendre vraisemblable sa fratricide accusation. Emprisonné à son tour, questionné, pressé, il avoua enfin s'être lui-même cassé le bras exprès, d'un coup à bout portant, sans voulant d'ailleurs d'avoir été lâche et de ne s'être pas tiré la balle en plein cœur. Car alors, disait-il, Siffrin y aurait passé. Tu viens de voir grand-père, sorti de prison, engraissé, souriant, rêvant toujours vengeance. Que penses-tu de l'honnête homme ? C'est Caïn. Oui, Caïn, en mieux.